Chapitre 155. La recommandation pour les hommes de prier sur le mort, de l'accompagner et de l'enterrer. Et la réprobation pour les femmes de suivre le cortège. 929. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque accompagne un mort jusqu'à la prière funèbre obtient en récompense un qirat. Et quiconque l'accompagne jusqu'à l'enterrement obtient deux qirat. On demanda: que représentent ces deux qirat? Il répondit, alayhi salatu wassalam, l'équivalent de deux immenses montagnes. Al-Bukhari et Muslim. 930. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui accompagne un mort avec foi et espoir en la récompense, et assiste à la prière funèbre, puis à l'enterrement, revient avec une récompense de deux qirat, chaque qirat équivalent à la montagne Uhud. Et celui qui assiste à la prière funèbre, mais qui repart avant l'enterrement, reçoit en récompense un seul qirat. Al-Bukhari. 931. Atiyya, radiyallahu anha, a dit: il nous fut interdit, aux femmes, de suivre le cortège funèbre, mais sans que l'interdiction soit stricte. Al-Bukhari et Muslim. 932.